À l'occasion du 68e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, le président syrien Bachar al-Assad a fait parvenir le 4 septembre un message de félicitations au maréchal Kim Jong-un. Le destinataire a souhaité santé et bonheur au maréchal Kim Jong-un, ainsi que plus grand progrès et prospérité au peuple coréen ami. Il lui a affirmé la position de la République arabe syrienne pour développer les relations d'amitié et de coopération avec la République populaire démocratique de Corée avant de formuler son hommage le plus sublime.